Toujours en Corée, il y a eu le vide à la ville de Lasson, la cérémonie d'ouverture de la 6e foire internationale de Lasson. Y ont pris part les cadres intéressés, les travailleurs de la ville, les délégués étrangers, les exposants et les entrepreneurs étrangers dans la zone d'économie et de commerce de Lasson. Y ont exhibé les machines et équipements, les appareils utilisant l'énergie naturelle, les produits électriques et électroniques, les produits de l'industrie légère, les denrées alimentaires, les médicaments, les matériaux de construction, les produits chimiques, les matériels roulants et d'autres, présentés par plus de 100 unités d'activité de divers pays et régions, y compris la Corée, la Russie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Chine. Le même jour, il y a eu un banquet.